Moi, mon papa, il a acheté une nouvelle télévision. C'est une télévision qui est drôlement chouette. Et puis au-dessus, il y a le pick-up pour mettre la radio. Puis dessous, il y a pour mettre les disques. Chouette. Ça balance. Mon papa aussi, il a un grand meuble, alors. Même qu'il y a deux télévisions, alors. Une en noir et une en couleur. Ouais, ça existe même pas. Ouais, mais quand ça existera, il sera le premier à l'avoir. Alors. Ah. Eh ben moi, mon papa, moi, il a un vélo. On te demande rien, toi. Si je vous la peine, laisse-moi causer tous les deux. D'accord, qui vient s'occuper de ce qu'il regarde pas, lui. Puis maman, papa, il vient d'acheter une nouvelle voiture. Parce que la grosse, c'était pour aller en province. À la campagne, puis là, maintenant, il en a acheté une petite. Pour aller dans Paris à cause des encombrements. Maman, papa, il y a longtemps qu'il a la petite. Pour aller dans Paris. Et puis il a la grosse pour aller dans notre propriété. Qu'on a sur la Côte d'Azur. Puis même qu'il a une troisième voiture, lui, c'est pour ma maman. Moi, mon papa, il a un vélo. Mais fiche-nous la peur, t'as demandé rien, Andouille. Moi, mon papa aussi, moi, il a une belle propriété. Mais c'est pas sur la Côte d'Azur, nous. Non, c'est dans les Alpes. Puis comme ça, l'hiver, eh ben, on va faire du ski. Et puis mon papa, ben, il nous filme. Pour bien épater les amis à Paris. Moi, mon papa aussi, il a une caméra. Même qu'il nous filme quand on fait du ski nautique. Non, quand on est en Méditerranée, à côté de notre propriété. Ah. Mais moi, mon papa, il a un vélo. Tu me la pètes, ton vélo. Tu sais tout ce qu'il a, tu... Et toi, qu'est-ce que t'as? J'ai les yeux à mon pépé. Et puis, qu'est-ce que t'as d'autre? On me dit toujours que j'ai le nez à mes mémés. Oui, mais toi, qu'est-ce que t'as, toi? T'as rien? Qu'est-ce que t'as? Moi, j'ai les culottes à mon frère.